إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 27 dans la lecture du livre Umdatul Ahkam, et c'est le sharh de Cheikh Al-Bassam qui s'intitule Taysirul Allam. Je voulais juste mentionner aussi que depuis le cours 20, quand on a terminé Kitab al-Tahara, on a commencé le cours après je me suis trompé, j'ai écrit deux fois le cours 20. Donc en réalité c'était le cours 21. Le premier cours de Kitab al-Salah, c'était le cours 21. Et moi j'ai écrit cours 20. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on suit les numéros que j'avais écrits avant, c'était 26, mais c'est une erreur. On est dans le cours 27 aujourd'hui. Parce que le cours après Kitab al-Tahara, c'était le cours 21. Le premier cours de Kitab al-Salah, c'était le cours 21. De toute façon, on les a pas encore mis, ils n'ont pas encore été mis sur en ligne. Donc, on aura le temps probablement de faire la correction avant que ce soit mis en ligne, Inch'Allah. Donc, aujourd'hui, le cours qu'on va faire, c'est au sujet d'un nouveau chapitre qui s'intitule Babun Fadlu Salatil Jama'a wa Wujubiha. C'est-à-dire un chapitre au sujet du mérite de la prière en groupe et de son obligation. Et Cheikh Al-Bassam il dit min sumu hadhihi ash-shari'a annaha tashra'u fi kathirin min ibadatiha al-ijtima'at allati hiya 'ibaratun 'an mu'tamaratin islamiyyah yajtami'u fiha al-muslimuna liyatawasalu wa yata'arafu wa yatashawaru fi umurihim wa yata'awanu على حل مشاكلهم وتداول الرأي فيها. وهذه الاجتماعات فيها من المنافع العظيمة والفوائد الجسيمة ما يفوت الحصر من تعليم الجاهل ومساعدة العاجز وتليين القلوب وإظهار عز الإسلام والقيام بشعائره. وأول هذه المؤتمرات صلاة الجماعة في المسجد، فهو مؤتمر صغير بين أهل المحلة الواحدة، يجتمعون كل يوم وليلة 5 مرات في مسجدهم، فيتواصلون ويتعارفون ويحققون نواة الوحدة الإسلامية الكبرى. Le Cheikh il commence donc ce chapitre en disant, ou ce sous-chapitre en disant, que parmi les enseignements élevés de la charia, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré beaucoup d'adorations pour qu'elles soient faites en groupe et pour qu'on se réunisse pour les faire. Et ce sont des genres de séminaires ou de conventions islamiques, de séminaires dans lesquels on se réunit et on se rencontre. Les musulmans se réunissent pour créer des liens et pour se connaître les uns les autres, et pour, hein, et pour yani, échanger leur point de vue dans, à propos de différentes affaires, et se consulter les uns les autres, et s'entraider à résoudre leurs problèmes mutuels, et pour échanger leurs opinions entre eux sur différentes choses. Et il dit que ces différents lieux de rencontre, ou ces différents moments dans lesquels on se réunit, il y a dans ça de grands bienfaits, des choses très bénéfiques. Yani, et on, il serait long à, yani, ce serait long d'énumérer tous les bienfaits qu'il y a dans ça. Il dit par exemple, parmi les bienfaits, le fait d'enseigner à la personne qui est ignorante, et d'aider la personne qui est dans une incapacité quelconque, d'adoucir les cœurs, et de montrer également la force de l'islam, et d'établir ses rituels et ses adorations. Et parmi les premières, hein, qui ont été légiférées parmi ces différentes rencontres, il y a la prière en groupe dans la mosquée. C'est un genre de séminaire qu'on fait, qui est petit, entre les gens d'un quartier, qui se réunissent 5 fois par jour, durant le jour et la nuit, dans leur mosquée, et ils créent des liens les uns avec les autres, et ils apprennent à se connaître les uns les autres, et ils réalisent un des noyaux de l'unification de l'islam, hein, de la grande unité islamique. Le premier hadith dans ce chapitre, c'est le hadith numéro 55, al-hadith al-khamisu wal-ishrun, al-khamisu wal-khamsun, afwan, al-hadith al-khamisu wal-khamsun, an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ ب27 درجه صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ ب27 درجه رواه البخاري ومسلم. Donc le cheikh il rapporte ce hadith qui rapportait selon Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la salat en groupe, elle est meilleure que la salat que tu fais seul de 27 degrés. C'est-à-dire, elle est meilleure que la prière que tu fais tout seul, et elle a 27 degrés de supériorité sur la prière que tu fais tout seul. Lorsque tu pries en groupe, hein, ça a plus de valeur. Et parmi les termes du hadith qui sont employés, il y a deux mots parmi les mots que le cheikh a mentionnés dans Gharib al-Hadith. Le premier, al-fadh, hein, bil-fa wa-dhal al-mu'jama, ma'nahu al-fard, al-fard, yani al-fadh, ma'nahu al-fard, wa daraja, kalimatu daraja, qala ibn al-Athir, لم يقل جزءا ولا نصيبا ولا نحو ذلك لأنه أراد الثواب من جهة العلو والارتفاع فالدرجات إلى جهة فوق. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que la prière en groupe elle est supérieure à la prière que tu fais seul, elle a 27 degrés de plus, elle est supérieure de 27 degrés. Et le cheikh il dit que Ibn al-Athir, un des savants, il a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit une partie ou une part, hein, 27 portions ou 27 parties. Plutôt, il a voulu faire comprendre que c'était relié à la récompense. Hein, vis-à-vis de la récompense, elle a 27 degrés de plus que la prière que tu fais tout seul, par rapport à son élévation, par rapport à son élévation. Et c'est pour ça qu'il a employé le terme daraja, parce qu'en arabe darajat c'est quelque chose qui va vers le haut, hein, vers la hauteur, hein, et le contraire de daraja, c'est daraka, hein, darakat, ça c'est dans les profondeurs, c'est le contraire. Comme Allah il dit à propos des munafiqin, fi dark al asfali min al nar, fi dark, et ni c'est dans les profondeurs, qu'est-ce qui est en dessous, tandis que daraja, c'est qu'est-ce qui est au-dessus. Al ma'na al ijmali, la signification globale du hadith, يشير هذا الحديث إلى بيان إلى بيان فضل صلاة فضل الصلاة مع الجماعة على صلاة المنفرد بأن الجماعة لما فيها من الفوائد العظيمة والمصالح الجسيمة تفضل يعني تفضل وتزيد على صلاة المنفرد ب27 درجة من الثواب لما بين العملين من التفاوت الكبير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في القيام بالمقصود وتحقيق المصالح، ولا شك أن من ضيع هذا الربح الكبير محروم، أي محروم، le cheikh il explique que ça c'est pour indiquer la supériorité et l'excellence de la salat en jama'a par rapport à la prière que tu fais seul, pour montrer que la prière que tu fais en groupe elle a plus de valeur et elle est supérieure. Et il dit que pourquoi? Parce que dans la prière que tu fais en groupe, il y a de grands bienfaits. Et il y a beaucoup de choses bénéfiques dans le fait de prier en groupe, qui fait que la prière, elle augmente en mérite et en valeur de 27 degrés dans sa récompense par rapport à la prière que tu fais seul. Et il dit, à cause de le grand écart qu'il y a entre les deux œuvres ou les deux actions dans l'établissement de cette adoration-là et par rapport à son objectif et dans la réalisation des bienfaits de cette prière. Et il dit qu'il n'y a pas de doute que celui qui délaisse ou qui abandonne ce grand profit, il est privé d'un grand bien. Hein? Il est privé d'un grand bien. Il dit le cheikh, وَمَا يُخَذُ مِنَ الْحَدِيثِ. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith? C'est quoi les bienfaits de ce hadith? Le cheikh, il mentionne 4 points. 4 choses qui sont bénéfiques dans ce hadith ou qu'on peut comprendre de ce hadith. Le premier point, أولا فيه بيان فضل الصلاة مع الجماعة. Il y a l'explication dans ce hadith de l'excellence de la prière en groupe et qu'elle est meilleure que de prier tout seul. Deuxièmement, فيه بيان قلة ثواب الصلاة المنفرد بالنسبة للصلاة الجماعة. Il y a la mention du fait que ou l'explication du fait que la personne qui prie seule, elle a peu de récompenses par rapport à la personne qui prie en groupe, en jama'a. Thalithan, troisièmement, al-farq al-kabir fi al-thawab bayna salatay al-jama'a wal-infirad. La grande différence qu'il y a dans la récompense entre les deux prières, la prière en groupe ou la prière individuelle. Quatrièmement, salat sihhatu salat al-munfarid wa ijza'uha anhu, li'anna lafz afdal في الحديث يدل على أن كلا الصلاتين فيه فضل ولكن تزيد إحداهما على الأخرى. وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا فيه حق غير المعذور. أما المعذور فقد دلت النصوص على أن أجره تام. الشيخ dit que la validité de la salat, dans ce hadith il y a parmi les bienfaits la preuve de la validité de la prière de celui qui prie individuellement ou qui prie tout seul, et que sa prière elle est valable. Pourquoi? Parce que dans le hadith il y a le terme afdal, et afdal ça veut dire meilleur, Donc ça indique que même si la prière de la personne qui prie tout seul, elle n'est pas aussi grande dans la récompense que la prière de celui qui prie en groupe, mais malgré tout, elle est quand même valable, elle est quand même acceptée si la personne la fait correctement. Hein? Mais sauf que la prière en groupe, elle a plus de récompense que la prière que tu fais seul, et ça c'est par rapport à la personne qui n'a pas d'excuse. La personne qui manque la prière en groupe et qui n'a pas d'excuse. Tandis que la personne qui manque la prière en groupe à cause d'une excuse valable dans la charia, alors celle-là, elle aura la récompense complète. Cette personne, elle aura la récompense complète. Par exemple, la personne qui est malade, la personne qui est en voyage, la personne qui est empêchée d'aller faire la prière de jama'a, la prière en groupe, pour une raison qui est légale dans la charia, une excuse valable. Dans ce cas-là, hein, la personne, elle est excusée, elle aura la récompense complète. Hein? On passe maintenant au hadith suivant, le hadith 56. الحديث السادس والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في صلاة ما دام في صل في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تذر الصلاة متفق عليه واللفظ للبخاري ومسلم. Est-ce que vous voulez que je relise encore? أعيد مرة أخرى. لا طيب. On va juste traduire le sens du hadith. C'est rapporté selon Abu Huraira radiallahu anhu qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la prière de la personne quand elle la fait en jama'a, sa récompense sera doublée par rapport à la prière qu'il fait tout seul chez lui ou dans son marché, dans son commerce, hein, dans le souk, de 25 degrés de plus. Et yani, il dit que lorsqu'il fait son wudu et qu'il le fait bien et qu'il sort vers la mosquée et que rien ne le fait sortir de chez lui excepté la salat, il ne fait pas un pas excepté que ça le fait élever d'un degré. Il ne fait pas un pas excepté que ça l'élève d'un degré et ça lui enlève un péché à chaque pas. Et il dit que les anges continuent à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui et à prier pour lui tant qu'il reste dans l'endroit où il prie. Et les anges disent: oh Allah, bénis-le et pardonne-lui, fais-lui miséricorde. Et les anges continuent à dire des choses comme ça. Hein? Et il dit que ça continue tant qu'il reste à attendre la salat. Tant qu'il continue et qu'il reste assis à attendre la salat. Et ça, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et ça, c'est la version de Muslim qui est mentionnée. Le sens général du hadith. Le cheikh, il dit: Yushir هذا الحديث إلى بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد وأن من صلى في جماعة ضعفت حسناته على من صلى وحده بخمسة وعشرين ضعفا، وأن السبب في المضاعفة هو أن من أراد الصلاة إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته بنية خالصة لا يخرج لأي غرض إلا لأداء الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى في المسجد مع الجماعة لم تزل الملائكة تصلي عليه وتدعو له بالرحمة ما دام في مصلاه، فتقول في دعائها وترحمها: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأن من أسباب مضاعفة الجماعة على صلاة المنفرد أنه ما دام ينتظر الصلاة مع الجماعة فله الأجر، فله من الأجر في انتظاره أجر من هو في نفس الصلاة، لأنه لم يحبسه إلا انتظار الجماعة. وهذه من فوائد جسام لا يتهاون في تحصيلها إلا محروم مشؤوم. الشيخ explique que le hadith explique la valeur, la grande valeur et le mérite de la prière en groupe par rapport à la prière que tu fais individuellement. Et que la prière que tu fais en groupe, sa valeur en hasanat, elle est multipliée. Elle vaut 25 fois plus que la prière que tu fais seul. Et la raison de cette multiplication de la récompense, c'est parce que celui qui veut faire la salat, il va faire son wudu. Il va bien faire son wudu, il va sortir de chez lui avec une intention qui est pure. Et il n'y a rien qui le fait sortir de chez lui, excepté qu'il veut établir la salat. Et il ne fait pas un pas, excepté que ça va l'élever en degré et ça va lui enlever un péché. Et lorsqu'il arrive dans la mosquée, il prie avec la jama'a et les anges prient sur lui, hein, et invoquent Allah pour que Allah lui fasse miséricorde. Tant qu'il reste, hein, dans sa prière et dans l'endroit où il prie, et les anges disent, hein, ils demandent à Allah pour lui de lui faire miséricorde et de lui pardonner. Oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui miséricorde. Et il dit, une des causes de la multiplication de la récompense lorsque tu pries en groupe par rapport à la prière que tu fais individuellement, c'est que également lorsque tu viens prier en jama'a, tu restes assis pour attendre la jama'a. Et pendant que tu es assis en train d'attendre la prière, tu as la récompense comme si tu étais dans la prière. Parce qu'il n'y a rien qui te retient excepté l'attente de la prière. Et ça fait partie des grands bienfaits, hein, et personne ne néglige ces récompenses-là, excepté une personne qui a été privée d'un grand bien. Le cheikh, il dit, اختلف العلماء. اختلف العلماء في تلمس الجمع بين حديث السبع والعشرين وحديث الخمس والعشرين. وكل تلمساتهم تخمينات وظنون، وأقربها أن يقال العدد القليل لا ينافي العدد الكثير، لأن مفهوم العدد غير مراد على الصحيح من أقوال الأصوليين، فهو داخل ضمنه. Ici, le cheikh dit qu'il y a une divergence entre les ulama au sujet du nombre des récompenses, ou du nombre de récompenses qui est supérieur. Parce que dans un des hadiths, c'est mentionné qu'il aura 25 fois plus, et dans l'autre hadith, c'est mentionné 27 fois plus. Et il dit, toutes les excuses et toutes les explications qu'ils ont ramenées, c'est des choses qui sont basées sur des probabilités, c'est pas, il n'y a rien de certain dans les explications qu'ils ont ramenées. Et il dit que la parole la plus proche dans qu'est-ce qu'ils disent, c'est que le nombre qui est grand, il inclut le nombre qui est plus petit. Donc le nombre qui est plus petit, il ne contredit pas le nombre qui est plus grand. Et il dit que l'important, ce n'est pas le nombre réellement. Hein? Ce n'est pas ça qui est... c'est ça. Il dit que ce n'est pas la différence entre les nombres, ce n'est pas ça qui est le plus important selon qu'est-ce qui est mentionné ici. Il dit « Fahu adakhilun dimnahu » en tout cas. Donc ça, c'est une divergence, mais ce n'est pas une grosse divergence. Yani. Ce n'est pas une question de divergence vraiment importante. Il dit « Wama yuqadhu min al-hadith » Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait de ce hadith-là? Le cheikh, il a mentionné 5 choses. 5 choses qu'on peut tirer comme bien de ce hadith-là, comme fawa'id. Awalan, فضيلة صلاة الجماعة في المسجد ومضاعفتها وفضيلة الجماعة تحصل بأي عدد يصدق عليه معنى الجماعة على أن كثرة العدد أدعى لحصول الزيادة في الثواب وذلك لما رواه أصحاب السنن وأحمد من حديث أبي بن كعب مرفوعا من أن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الواحد. Le cheikh, il explique que l'excellence de la prière en groupe et le fait qu'elle a une récompense qui est multipliée par rapport à la prière que tu fais seul, cette récompense-là qui est multipliée, tu peux l'obtenir avec n'importe quel nombre, avec n'importe quel nombre de personnes qui viennent pour faire la prière en groupe. C'est-à-dire que du moment que il y a deux personnes ou plus, c'est considéré comme une prière en groupe. Donc, ça implique que la prière de la personne, elle aura une récompense multipliée. Sauf que le cheikh, il dit que plus qu'il y aura de monde, et plus qu'il y aura une augmentation de la récompense dans la prière à cause de ce qui a été rapporté dans les sunan. Il y en a dans les sunan, également dans la musnad de l'imam Ahmad, selon Ubay ibn Ka'b, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière de la personne qui prie avec une autre personne, c'est-à-dire deux personnes qui prient ensemble, elle sera plus pure que la prière qu'il prie lorsqu'elle prie seule. C'est-à-dire la prière, quand quelqu'un prie avec quelqu'un d'autre, sa prière sera plus pure que lorsqu'il prie seul. Et la prière de deux hommes, c'est-à-dire la prière que tu fais avec deux personnes, c'est-à-dire trois en tout, elle sera plus pure que sa prière avec une autre personne quand vous êtes juste deux. En voulant dire que plus vous êtes nombreux, plus que votre prière va être plus pure. Donc la prière de deux personnes est plus pure que la prière d'une personne tout seul. La prière de trois personnes ensemble, elle est plus pure que la prière de deux personnes ensemble, et ainsi de suite. Donc le nombre de récompenses de la prière augmente selon le nombre des personnes qui assistent à la prière en groupe. Ça, c'est quelque chose qui incite également à ce que les gens viennent prier en grand nombre à la mosquée. Le point numéro 2, ثانياً, النقص في صلاة المنفرد و يعني النقص في صلاة المنفرد وتأخرها في الفضل عن صلاة الجماعة. Le fait que dans la prière de la personne qui prie individuellement, il y a quelque chose qui est moins, qui est moins que la récompense en groupe, et elle est en arrière dans le mérite vis-à-vis de la prière en groupe. Troisièmement, ثالثاً أن الجماعة ليست شرطاً للصلاة فتجزئ من المنفرد على نقص كبير في ثوابها. La prière en groupe, c'est pas une condition pour que la prière soit valable. C'est correct de la faire individuellement, sauf qu'elle aura moins de récompense. Elle aura une récompense moindre. Le point numéro 4, أن كل هذا الفضل من رفع الدرجات وحط الخطايا واستغفار الملائكة بنية خالصة، فالثواب مرتب على إحسان الوضوء والخروج من البيت إلى المسجد لقصد الصلاة بنية خالصة، فالثواب المذكور مرتب على مجموع الأعمال، فلو خلا منه جزء لم يترتب عليه ما ذكر من الأجر. Le Cheikh il explique que tout ce qui est mentionné comme mérite de la prière en groupe, le fait que ça élève en degré lorsque tu viens à la mosquée, que ça enlève un péché et que les anges demandent pardon pour toi, c'est relié à certains éléments, c'est relié à certains points. Et les choses sur lesquelles c'est lié, c'est le fait de faire bien son wudu, de sortir de chez soi avec l'intention de faire la prière, une intention qui est pure et sincère. Et si la personne, elle a réuni toutes ces choses ensemble, pendant qu'elle va faire la prière en jama'a, elle aura la récompense qui a été mentionnée. Mais si il y a dans ses actions des choses qu'elle n'a pas faites, parmi les choses qui sont mentionnées, elle n'aura pas la même récompense que qu'est-ce qui a été mentionné dans le hadith. Hein? Comme par exemple, la personne qui part par exemple à la mosquée, elle part sans wudu, par exemple. Puis elle arrive à la mosquée, elle fait son wudu à la mosquée. Elle n'aura pas la même récompense que celui qui a fait le wudu à la maison avant de venir à la mosquée. La même chose aussi pour la personne qui part avec l'intention d'aller au magasin, puis qui décide par la suite d'aller à la mosquée, elle n'aura pas la même récompense que celui qui part de chez lui directement avec l'intention d'aller à la mosquée directement, et ainsi de suite. Wallahu ta'ala a'lam. Après, le cheikh il dit wa anna lil muntadhir as-salat thawab man huwa fi as-salat. Cinquième point, c'est que la personne qui est dans la mosquée en train d'attendre la prière, il a la récompense comme s'il était dans la prière. Na'am. Donc, on va s'arrêter ici parce que c'est l'heure de la salat. Donc, le temps est court, malheureusement. Le Isha, maintenant, il arrive tôt. On a presque l'impression que l'été est fini. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis on continuera demain, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته